Retrouve Alexandre Timon, notre auteur et philosophe, chaque jeudi à 20h pour son émission Les Révolutionnaires de Salon. Ça déménage sur Radio Impact.